alors tu me fais penser à lire deux extraits d'un livre qui vient de paraître il y a quelques semaines qui s'appelle « Lettre ouverte aux scientistes » de Mathieu Calame, directeur de la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, qui aborde des thématiques que tu viens d'aborder à la fin, que je n'avais pas prévu de lire, mais comme l'ouvrage est extraordinairement bien écrit et qu'il est croustillant dans sa rhétorique, je vais me faire un petit plaisir de vous lire des passages sur la question du rapport entre les chercheurs et les acteurs sociaux au sens très large, du monde économique, politique, de la société dite civile. Je vous lis quelques extraits. Lorsque, alors il distingue au début de son bouquin les scientifiques des scientistes, sachant que pour distinguer les deux, ce n'est pas toujours très, très évident. On a tous, en tant qu'acteurs académiques, un petit fond scientiste en soi qui demeure. Parfois, on essaie d'aller au-delà, mais il persiste. Mais toutefois, il distingue bien ça au début de son bouquin. Donc, quand il dit scientiste, ce n'est pas l'ensemble de la communauté des scientifiques qu'il aborde. Lorsque les scientistes présentent la recherche, ils prétendent simultanément que la qualité et les résultats de leurs recherches ne sont pas affectés par les liens qu'ils nouent avec l'État, les industries ou le reste de la société, et dans le même temps que cette recherche apportera des remèdes à quasiment tous les problèmes de l'humanité. Ce faisant, ils réactivent un des plus vieux topos de l'imaginaire mystique indo-européen, la mère vierge qui enfante un sauveur. Or, le savoir et la technologie ainsi produits doivent autant à la mère, la recherche, qu'aux pères, les acteurs sociaux, mais cette dernière filiation n'est pas assumée, elle est impure, et dans la mesure du possible, on l'escamote. Dans le grand récit du développement des sciences, les dimensions sociales des recherches et des découvertes sont gommées. Que Pasteur ait travaillé activement dans un contexte d'expansion coloniale où la conservation des aliments était un enjeu stratégique des déplacements maritimes, que la trigonométrie doive beaucoup au développement de l'artillerie, que l'astronomie soit née de l'astrologie et du souci de connaître le destin inscrit dans les astres, que la chimie doive aussi à la pierre philosophale et à ses promesses sonnantes et trébuchantes, autant de contextes qui disparaissent de la légende dorée pour développer une conception parthéno-génétique de la science qui s'engendrerait elle-même de génération en génération. La science ne devrait rien donc au monde, mais elle lui apporterait tout. La science sauve. Voilà le regard sur le rapport moderne des sciences au social et sur l'irresponsabilité sociale des chercheurs. Je ne vous le lis pas tous, mais c'est pour vous donner un petit peu d'appétit. Pour les scientistes, la combinaison paradoxale de la promesse du salut et du fait d'être hors du monde présente une utilité sociale indéniable. Elle exonère a priori les chercheurs de leurs échecs ou des usages funestes de leurs travaux, car il existe un risque avec le temps que les populations déçues s'aperçoivent que les promesses ne sont pas tenues. C'est lié à ce que tu disais sur la dimension. Il faut toujours promouvoir un discours sur le futur qui advient, on ne sait pas trop quand. Les guérisons attendues n'arrivent pas, le monde a toujours faim. Il est possible même que l'on constate que la situation du monde, malgré les progrès, tente dans certains domaines à se dégrader et que, pour dire les choses en termes crus, le paradis scientiste, comme la ligne d'horizon, recule d'autant qu'on avance. Il se pourrait alors que l'on finisse par incriminer aussi une certaine forme de recherche, que la population en vienne à douter que les solutions soient à chercher du côté de la technique, voire encore qu'elle imagine que certaines techniques proposées comme panacées participent plus aux problèmes qu'à leur résolution. Dès lors, les scientistes seraient mis en demeure de se justifier. Pas de problème, ils ont une réponse toute prête. Tout cela est dû aux imperfections de la société. La recherche nous promet de résoudre les maux de la société. Pourtant, depuis 50 ans, nous n'avons pas atteint de paradis terrestre. Mais c'est à cause de la société qui n'a pas su faire un bon usage des produits de la recherche. La recherche du 19e siècle a aussi contribué au massacre de masse, mais c'est toujours la société. Demain, les biotechnologies ne résoudront pas le problème de la faim, voire contribueront à développer des pratiques agricoles délétères. Ne cherchez pas le coupable, c'est l'imperfection de la société. Cette attitude d'évitement de la responsabilité est tout à fait caractéristique d'une posture cléricaliste. Le clerc est toujours socialement irresponsable. Son statut d'homme voué à un idéal l'a mis en surplomb de la société et il se trouve d'avance absous. Il va sans dire que cette position n'est pas admissible dans une société moderne. Il développe. Ce sont évidemment des questions excessivement tendues, dans lesquelles il y a un enjeu de quel type de corporation de scientifiques la société a-t-elle besoin aujourd'hui, de quel type de statut, de quel type d'éthique, de quel type de responsabilité la société a vraiment besoin de conformer et de conforter un certain type de chercheur. On a besoin d'une corporation, de statut, de préserver cette communauté-là de quelques enjeux, sans faire abstraction du fait que depuis 3 siècles et demi, cette corporation a généré en elle-même une domination d'une certaine vision du rapport au savoir et à la science qui elle-même est excessivement délétère et qui explique en grande partie la montée en puissance d'une critique d'une certaine science, d'une certaine production de technologie. Ceci était pour faire juste l'écho avec les propos de Jean-Michel. Je vais quand même revenir aux propos que j'avais prévus pour essayer de voir de quelle manière une partie des enjeux de la corporation des scientifiques et des techniciens et des ingénieurs relève d'enjeux sociaux et relève d'enjeux qui sont aussi des enjeux des acteurs et des mouvements sociaux. Pour ça, je vais quand même faire un petit retour en arrière entre la fin des années 70 et aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une LRU en France, par exemple. D'où est-ce que vient cette idée que ce type de management de la recherche produit de la richesse et intéresse ou des multinationales ou du business? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui repose sur du lourd? Je ne pense pas que les multinationales sont à ce point intéressées par le monde de la recherche, sans le fait de constater que si elles y investissent, c'est qu'elles voient de facto, en termes de production de richesse, un intérêt, une vision d'une certaine économie, dite économie de la science, qui ne vient pas de n'importe où, qui vient en gros d'une réflexion géostratégique des États-Unis à la fin des années 70, qui constate que sur, en gros, le grand secteur primaire des industries, il commence à se faire tailler des croupières par les monstres asiatiques qui arrivent, et que sur l'industrie de l'automobile, du cinéma, du militaire, une partie des technologies militaires, de l'électronique notamment, qui sont des vrais, vrais poumons de l'économie américaine des années fin 60-70, ils commencent à perdre des parts de marché absolument majeures, et même en termes d'innovation, notamment les géants asiatiques, peuvent en remettre aux États-Unis. Donc ils s'aperçoivent que s'ils laissent faire cette dérive-là, en termes géostratégiques, il y a une perte d'influence sur les normes de ce que c'est que la richesse, sur ce que c'est que la circulation des innovations, d'où provient l'innovation, qui va leur faire perdre, c'est comme ça qu'ils le théorisent à la fin des années 70, de l'influence technologique et donc militaire et donc géostratégique et planétaire. C'est donc pour eux, de leur point de vue, absolument inadmissible. Et donc, des réflexions au plus haut niveau des appareils scientifiques, technologiques et de l'État fédéral américain se mettent en branle. Et évidemment, tout ceci aboutit. Il faut donner des dates. Donc, on les donne. C'est toujours un peu schématique parce que les dates, elles ne font qu'incarner des mouvements sociaux d'avant, des réflexions d'avant. Mais en 1980, il y a le Bayh-Dole Act qui est signé au niveau de l'État fédéral et qui explique en grande partie la loi LRU, puisque le Bayh-Dole Act modifie deux registres, enfin trois en définitive, du statut de la propriété intellectuelle. Le premier est une évolution sur ce qui était jusque-là un droit dérogatoire, au fait qu'une université pouvait donner à des entreprises le soin d'utiliser un brevet développé dans le champ public, mais le statut était dérogatoire. Le Bayh-Dole Act généralise ce fait-là et autorise deux révolutions juridiques majeures. Un, il est systématiquement conseillé aux universités publiques de donner des licences exclusives aux entreprises par le biais de générations de joint ventures économiques. C'est la première innovation inscrite dans la loi. La seconde, qui est beaucoup plus intéressante et difficile à mettre en œuvre au niveau international, c'est la préférence américaine. Il s'agit de ne pas donner ses brevets à n'importe quelle entreprise. Il s'agit de voir de quelle manière, juridiquement parlant, il est possible de privilégier les entreprises capitalistes, notamment américaine. Et pour ça, il va s'agir d'un vaste combat juridique qui va aboutir à la création de l'OMC, et tout ce qui jusque-là a échoué dans les années 80-90 va être permis par la création de cette OMC-là. Donc on a bien, à travers une vraie velléité géostratégique et géopolitique, besoin d'une armada juridique qui met au centre ce qui est perçu par les États-Unis comme leur avantage comparatif au niveau international, qui pourrait aboutir vers une nouvelle division du travail international avec l'intelligence au nord, pour le faire court, et les ateliers au sud. On parie sur le fait que la capacité à innover, à avoir toujours des nouvelles idées, relève plutôt d'une capacité sur 30 ou 40 ans qui pourrait être encore le monopole des pays du nord, et quitte à désindustrialiser les pays du nord et à faire fabriquer les objets dans les pays du sud. C'est une vraie vision de la division du travail qui est pensée à cette époque-là, mais tout n'est pas en œuvre. Il y a toute une série de blocages et théoriques et pratiques et des outils qui n'étaient pas là en 80, et ce sont, non pas de façon concertée et visionnaire, c'est des dispositifs qui se mettent en place et qui, de façon purement aléatoire et conjoncturelle, s'agencent pour générer des révolutions dans l'appareil capitaliste mondial assez notables. Je vais donner deux, trois innovations. Évidemment, quand elles arrivent, on les perçoit pas comme ça, c'est rétrospectivement qu'on les raconte. La première innovation, elle relève du fait que quand on décide de rompre avec une vision dite « open science », et on schématise vraiment les années 40 à 70 en disant ça, hein, les années 40-70, ce n'est pas une vision de la science épurée, éthérée, hors des conflits, qui sert le bien public. Bon, on peut schématiser comme ça, je crois que c'est un vaste conte pour enfants, mais il n'empêche que schématisons. Quand on décide qu'au cœur de l'avantage comparatif des États-Unis, c'est le brevet, la capacité à innover, qui est le cœur de l'économie dans laquelle on arrive. On s'aperçoit évidemment qu'il va y avoir des révolutions comptables. Comment est-ce qu'on comptabilise un brevet? Comment est-ce qu'on le valorise dans des comptes d'actifs des multinationales? Combien ça vaut, etc. etc. Ce n'est pas gagné. En 1981, on ne sait pas intégrer dans une comptabilité non pas le brevet innovation ancien, ça on sait, on sait à peu près ce qu'il vaut, on sait l'évaluer, la patente, la royalty, ce qu'on fait payer, mais les brevets qu'on met en place à partir de 1981, c'est la troisième innovation du Bayh-Dole Act, c'est pas simplement le brevet déposé sur une innovation technologique, c'est la potentialité des brevets à venir. La capacité qu'a une idée très en amont du dispositif de recherche de générer peut-être plus tard d'autres brevets. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à intégrer dans des actifs d'une entreprise ou d'une multinationale. Et donc, il va se mettre en place une innovation majeure, qui est le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est une bourse d'échange de valeurs qui naît en 1984 et qui permet à des entreprises, type celle qui va naître quelques années plus tard, Google ou AOL, d'être valorisées sur le marché des actions. Car jusqu'à 1984, combien vaudrait, imaginons que Google existât à cette époque-là, combien aurait valu Google, sachant que son capital est un algorithme et un fichier. Le capital de Google est un algorithme, aujourd'hui plusieurs, mais un algorithme et un fichier. En 1981, cette entreprise-là, sur le marché des actions, ne vaut rien. On ne sait pas évaluer sa valeur. Le Nasdaq va résoudre la question. Combien vaut AOL, combien vaut Google, c'est combien vous voudrez l'acheter. Combien vaut l'action sur le marché. Et on valorise Google, AOL, Facebook, sur ce marché-là, d'un nouveau type d'entreprise capitaliste, d'une façon très simple, c'est le marché qui définit la valeur de l'entreprise. Point barre. La question est résolue par un outil technique et ça marche pas trop mal. Bon, manque de bol, il y a une vraie spéculation, une bulle spéculative sur les marchés de ce type-là qui explose en 2000-2001, mais le Nasdaq existe toujours et ces entreprises-là sont toujours cotées en bourse. Deuxième innovation, on a des entreprises qui n'ont pas de fonds capitalistiques. Ce n'est pas des multinationales, Facebook au départ, Google, c'est des petits trucs. Comment on fait pour payer des vrais managers de la Silicon Valley qui aspirent à des salaires très importants quand on n'a pas de capitaux pour les payer? Comment on fait? Il faut une nouvelle innovation pour payer ces gars-là. Et avant les années 80, on n'a pas l'outil qui permet de payer ces managers-là. D'ailleurs, ils n'y sont pas. Qu'est-ce qu'on génère et qui va être utilisé? Donc, ce n'est pas généré pour ça, mais ça va être utilisé dans ce cadre-là, c'est les stock options. Les stock options, c'est une nouvelle forme d'anticipation de la rémunération future par rapport à la valeur d'une action à venir qui permet à des managers de se dire « Oula, si celle-là marche, je vais me faire des couilles en or, alors j'y vais. » Et la capacité à diffuser des stock options dans toute une série d'entreprises permet de résoudre une autre question très pratique pour ces entreprises-là, c'est comment est-ce que je paye une entreprise dont la valeur capitalistique est essentiellement du bien immatériel. Et progressivement, dans les années 80, on voit monter une nouvelle forme de capitalisme, mais qui n'est pas simplement le capitalisme d'AOL et de Google, qui sont, on va dire, vraiment celles de ce marché-là, mais qui sont toutes les entreprises. Peugeot, Renault, la métallurgie... On intègre de plus en plus des biens immatériels aux actifs des entreprises. Et on voit qu'aujourd'hui, en tout cas sur le CAC 40, c'est majoritaire. Aux États-Unis, je crois que c'est aussi majoritaire depuis les années 2000. Plus de 50% des capitaux et du fonds d'actifs des entreprises sont des biens immatériels. Des biens qui, jusqu'aux années 70, n'étaient ou très difficilement valorisables dans une entreprise. Donc les années 80-90 sont donc pas simplement celle de la régulation financière néolibérale, et c'est à mon avis une des myopies que nos mouvements ont générées dans les années 90-2000, c'est qu'on ne voit dans la phase néolibérale que la partie des régulations financières. Mais c'est une des parties du paramètre. La seconde partie, c'est que la genèse de nouveaux types d'économies, de nouveaux types de richesses, de rapport à la production de richesses, est la seconde phase de la monnaie néolibérale. Et il n'y a pas de révolution néolibérale telle qu'on la connaît sans la révolution numérique et sans la valorisation de ces entreprises d'un nouveau type. Il faut bien intégrer dans l'analyse qu'on a sur comment résister à ça, ce n'est pas simplement une régulation financière qui va nous résoudre le problème. Ça, ce n'est pas vrai du tout. C'est que le type d'entreprise et de capitalisme qu'on a face à nous est un capitalisme d'un nouveau genre qui a un rapport à la richesse et à la valeur tout à fait différent que celui, on va dire, du monde fordiste ou l'industrie quand même au cœur de la création de richesse d'une société. C'est toute une architecture qu'aujourd'hui on théorise et on pratique rétrospectivement, parce que ce n'est pas une histoire linéaire, ça ne s'est pas fait, comme je l'ai dit, comme ça, de façon naturelle. C'est un agencement hasardeux d'innovation ici et là qui s'agence au gré des intérêts des acteurs eux-mêmes. Donc la LRU est un fruit naturel français de la Bayh-Dole Act américain de 1980 qui postule que la génération de nouvelles richesses majeures dans l'économie qui advient doit être structuré autour d'une alliance entre l'administration publique de production de richesses, les universités, les laboratoires, les grands centres de recherche, et le monde capitaliste marchand classique. Et c'est cette union-là, cette articulation-là, où en gros on en a marre que les entreprises privées dépensent de la R&D qui ne sert à rien, autant sous-traiter la recherche au public et utiliser les fruits de cette recherche-là pour le bien de ce type-là d'entreprise et de produits marchands. d'un point de vue de l'économie de la connaissance capitaliste, ça se tient tout à fait. Il y a les biais, donc à mon avis, il faut bien distinguer quels sont nos axes de lutte. Il y a les biais corporatistes du monde de l'académie qui est qu'à force de ne penser que ce type de développement-là, il y a toute une partie de la recherche qui est minorisée et foutue sous le tapis. Mais une grande partie de la recherche publique aujourd'hui peut très bien vivre dans un modèle comme ça. D'ailleurs, une grande partie des mandarins vivent très bien avec un système de l'économie de la connaissance allié au capitalisme mondial, sans aucun problème, versus le Minatech à Grenoble. C'est une vision des métiers de l'ingénierie, de la recherche, versus, et c'est une vision d'un type de brevet et de recherche. Donc une partie de l'académie, et à mon avis les dominants et les directeurs de labo majoritaires, vivent dans ce système-là comme des poissons dans l'eau. Et ceci me ramène à la seconde partie de mon exposé, qui est de dire ils vivent bien dans ce système-là, mais ils vivaient bien dans l'ancien. Et ce n'était pas mieux avant. L'idée que nos luttes d'aujourd'hui devraient revenir sur un statut du chercheur public, sur des moyens financiers alloués à des instituts permettant aux acteurs de l'académie d'allouer eux-mêmes les fonds, à mon avis, est une vue de l'esprit, parce qu'à l'époque, regardez la recherche française à partir des années 50 jusqu'aux années 80, comment ça fonctionne les citoyens ? Rien à dire là-dedans sur l'évolution du pôle de recherche nucléaire, rien à dire là-dedans sur l'évolution de ce qu'on appelait les champions nationaux, en théorie Mendès, France, De Gaulle, le CNRS, le mammouth CNRS qui justifie qu'il faille 36 000 statutaires à l'intérieur, dont 12 000 chercheurs ou 18 000 chercheurs statutaires. C'est le modèle du gros mammouth qui fait que c'est là qu'on concentre les moyens, et c'est ça qui va produire de la richesse au profit non pas du pays et la nation, mais de la puissance de l'État. Donc l'époque qu'on verrait comme étant une sorte d'archétype de la puissance de la science désintéressée est une vue de l'esprit du point de vue des besoins sociaux, citoyens et de quel type de dialogue nos sociétés doivent générer avec le monde académique. Donc je pense qu'une partie du travail qu'on doit faire, notamment avec les syndicats, est de dire vos luttes, pour une partie d'entre elles, sont les nôtres. Clairement, il y a une partie des luttes corporatistes, des scientifiques, qui sont les nôtres. Il faut savoir lesquelles. Et donc, il faut travailler pour savoir lesquelles sont l'objet d'alliances avec les acteurs sociaux parce qu'on a besoin d'une certaine catégorie de recherche. Pour le coup, il y a d'autres luttes sur lesquelles, qui sont des luttes, à notre avis, très réactionnaires du monde de l'académie et des sciences. Et il faut, à mon avis, travailler politiquement avec les acteurs sociaux, les chercheurs, pour dire quelles sont celles qui, à notre avis, vont dans un mauvais sens. Et je pense que Mathieu Calab, dans son bouquin, donne quelques clés de lecture pour dire il y a des luttes corporatistes qui sont, à notre avis, excessivement néfastes pour la société. Et ce qui est bien pour l'université n'est pas forcément bien pour la société. Il faut juste distinguer ce qui permet d'aller vers quelque chose de plus progressiste, émancipateur, avec des savoirs produits dans des conditions satisfaisantes du point de vue des travailleurs et utiles du point de vue de la société. Je fais une autre insiste sur la question nucléaire, parce que je pense qu'un bouquin qui moi m'a beaucoup éclairé sur la mobilisation des forces sociales sur l'aventure nucléaire française, c'est un bouquin qui s'appelle « Le rayonnement de la France », et qui explique les ressorts sociaux et politiques qui ont fait que tous les mouvements ouvriers, ingénieriaux et de recherche, et de l'État, et du business, mais vraiment de l'État, parce que c'est vraiment tout public, ont été tellement portés par le discours de la puissance française, la fierté de la France dans les années 50-60, et le ressort de la narration du monde qui permet à toutes les catégories d'acteurs sociaux d'avoir été vraiment mobilisés. Et quand on voit l'auteur décrire à quel point les ouvriers, les ingénieurs pleurent, mais de joie, le jour où on fait exploser la première bombe nucléaire française en plein air dans le Sahara, on voyait bien quels étaient les ressorts qui avaient permis de mobiliser les forces sociales derrière cette aventure-là. Et moi, personnellement, j'y crache pas dessus. Je dis que moi, mon père a participé à l'aventure de l'aéronautique française. Je sais que ça fait partie d'une époque de la vision de la France qui avait morflé en 40. Et que je sache, le discours gaulliste était un discours de dire on a pris une branlée en 40 sur la technique et les capacités militaires, on ne va pas le faire deux fois. De Gaulle, qui a perdu en 34 sur son bouquin, a dit « On a pris une grosse branlée en 40, on n'en prendra pas deux. » Et pour le coup, la fierté nationale est un des ressorts qui a permis à cette époque-là de mettre en marche toutes les forces sociales et intellectuelles du pays vers une aventure qui les dépassait tous. Aujourd'hui, il s'agit de voir quelle est l'aventure qu'on doit, autour de laquelle on peut se mettre d'accord. Forces sociales, mouvements sociaux, société civile, chercheurs, ingénieurs, ouvriers, quelle est cette aventure vers laquelle on va? Et on voit bien que dans nos mouvements-là, ce n'est pas de ça dont on parle. Et je pense que l'aventure socio-écologique, l'aventure du bien-être pour nos enfants, l'aventure de quel type de société douce et non stressante, on voit bien que ce capitalisme-là est un capitalisme mortifère pour nos enfants et pour nous-mêmes, on en chie dans le boulot, c'est de plus en plus dur, le management est de plus en plus stressant. Je pense que ces ressorts-là permettent, à mon avis, de construire un discours collectif pour dire Si c'est une société de ce type-là à laquelle on aspire, qui a des ressorts nationaux, pourquoi pas, je peux bien vivre avec un certain type de nationalisme, même si ce n'est pas mon tropisme culturel propre, je peux vivre avec un certain type de patriotisme. Bon, à voir, mais en tout cas, ça construit un discours collectif derrière lequel on peut après mobiliser des forces sociales. Je pense que c'est de notre ressort de dire de quel type de discours et de narration, derrière quel type de discours et de narration on se porte aujourd'hui. Et je crois que là, pour le coup, ça désamorce les questions corporatistes et ça permet de voir à quel point on s'agence collectivement et mutuellement. Donc, tout ça pour vous dire que la crise de la recherche et des universités est, de mon point de vue, bien antérieure à la crise néolibérale. Et je pense qu'à force de se dire que c'est lutter contre le néolibéralisme qui va résoudre les questions de l'appareil de production de savoir scientifique est, à mon avis, un leurre, même si c'est une lutte à mener. Clairement, le management public, l'individualisation des chercheurs dans leur évaluation, les indicateurs complètement pourris avec les facteurs d'impact, la logorée sur l'excellence, etc., etc. On sait que ce sont des axes de lutte sur lesquels on peut, là pour le coup, s'allier avec les chercheurs, mais il y en a d'autres sur lesquels je pense qu'il faut encore désamorcer les problèmes. Alors, quand je dis que la crise est bien antérieure, quand je dis ça, je n'ai pas dit grand-chose, pour autant, je pense que là, il y a vraiment du lourd, il y a du très difficile à traiter, mais je pense que là, ça fait partie du métier d'enseignant-chercheur et qu'il y a une partie de la façon qu'on a d'exprimer son métier aujourd'hui qui n'est vraiment pas satisfaisante et qui est même le fruit de plusieurs décennies et siècles de type de cléricalisme scientifique qui fait qu'on produit un type d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui, à mon avis, ne sont pas en phase avec les types de progressisme qui adviennent. Je vais en dire plusieurs problèmes. Le premier problème est vraiment le corporatisme le plus têtu, le plus stupide et le plus bête. Je donne un exemple. Deux années avant le début de la crise de 2009 de l'université et donc de la loi LRU, il y a un ministre qui tient un discours devant plusieurs mandarin de l'université et qui dit « Mais vous, universitaires qui êtes les employés de l'université, et là, il y a deux mandarins qui lèvent la main et qui lui coupent la parole. » J'étais là, je l'ai vu. Monsieur le ministre, excusez-moi, on n'est pas employé de l'université. Nous sommes l'université. Bon. D'un point de vue statutaire à cette époque-là, ça a changé un petit peu à l'OLRU, il faudra vérifier dans les années qui viennent, mais d'un point de vue statutaire, ce sont les universitaires qui fondent l'université. C'est eux, l'université. Mais il y a un petit problème historique. C'est qu'à l'origine, le projet d'université, ce sont des coopératives d'étudiants qui fédèrent le moyen financier pour faire venir les Erasmes de l'époque et les faire circuler pour leur faire avoir des savoirs que leur naissance ne leur permettait pas d'avoir. Au début, ce n'est pas une institution avec des bâtiments. C'est des étudiants mal nés qui veulent franchir le plafond de verre de leur époque, accéder aux métiers de la médecine, de la philosophie et de la théologie qui leur étaient barrés, de dire « je veux payer, je veux avoir accès à Erasme, c'est situé, il y a des monographies là-dessus ». Ce sont des étudiants qui payent le transport, la résidence et le paiement, les émoluments des Erasmes de l'époque. C'est une coopérative d'intérêt par rapport à des savoirs très utilitaires. Ils avaient besoin d'avoir accès aux savoirs de la médecine, de la philosophie et de la théologie pour accéder à des métiers qui leur étaient barrés. Donc c'est un vrai besoin utilitaire de type d'émancipation sociale qui, jusqu'à l'époque, ne leur était pas... Aujourd'hui, l'université, non, ça n'est pas ça. L'université est vraiment devenue l'affaire des universitaires. Or, le problème de l'université au sens philologique du terme, c'est un lien, c'est un logos, l'université. C'est un contrat moral entre des universitaires, des enseignants et des étudiants. Ce qui fonde l'université, c'est le lien enseignant-étudiant. Et quand on a, à cette époque-là, ces gars-là qui disent « Non, monsieur le ministre, vous avez tort, l'université, nous ne sommes pas des employés de l'université, nous sommes l'université », on a là, le « nous » est un « nous » d'universitaire. Et donc là, on a un vrai problème de ce que j'appelle moi le corporatisme têtu, c'est que non, historiquement, l'université, ça n'est pas la somme des universitaires, c'est le lien affectif, intellectuel entre des enseignants et des étudiants. Je pense que l'un des axes de travail stratégique pour l'université à venir est bien celle-là, c'est qu'on a perdu le fil du lien entre universitaires et étudiants. Regardez-le dans tous les mouvements étudiants des années 68 jusqu'à nos jours, vous avez des mouvements d'étudiants et des mouvements d'universitaires. C'est très rare d'avoir des discussions régulières où les étudiants vont vraiment se mobiliser en 2009. Ben, ils ne sont pas là, les étudiants. Quelques-uns, mais très très rares. Donc je pense que là, ce corporatisme-là, sur lequel il faut, à mon avis, travailler pour dire quelle est sa dimension intéressante et quelle est sa dimension cléricale très contestable, sont, à mon avis, des éléments vraiment à discuter. Je dirais, sur la question pédagogique, qui a été discutée ce matin, on a assisté dans les années 80-90 à une vraie régression pédagogique dans l'éducation primaire, secondaire, lycée et d'établissements supérieurs. Il y a eu dans les années fin 60 et 70 des expériences pédagogiques très émancipatrices qui permettaient d'avoir des relations entre enseignants et étudiants nettement de meilleure qualité, avec des rapports au savoir et à l'apprentissage nettement meilleurs, qui ont été complètement occultées du paysage. On n'a jamais transmis cette histoire-là des innovations pédagogiques à l'université. Et je connais beaucoup d'enseignants qui les ont vécues et qui souffrent de ne plus pouvoir aujourd'hui les mettre en œuvre dans leur enseignement, au prétexte qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. Mais le « ça n'est pas possible », je pense qu'il faudrait peut-être qu'on le travaille. Je pense que les enseignants ont une vraie marge de manœuvre, et individuelle et collective, pour revenir sur cette transmission des innovations pédagogiques. J'en donnerai deux. Les deux qui ont été mises en place à l'ENA, juste pour décentrer le problème de l'université, parce que ce n'est pas que le problème de l'université, c'est l'ensemble de la formation supérieure qui est ici, non pas en cause, mais en problématique. La première, c'était l'évaluation. Dans les années 70, donc, des copains à moi m'expliquaient comment est-ce qu'ils avaient essayé de chambouler le Landerneau de l'ENA entre le rapport entre les enseignants et les étudiants à l'époque. Et au lieu de poser sous quelques catégories de cours la question, vous avez une feuille d'interrogation, vous avez des questions, ils vous répondent aux questions, il y avait une discussion collective, on demandait à chacun, mais dans mon cours, pendant ces 5 derniers mois, vous avez appris quoi ? Et l'étudiant, de son point de vue, essayait de formuler dans le cours qu'il avait reçu, ce qu'il avait appris, lui. Et ça faisait l'objet d'une discussion à plusieurs. Bon. Deuxième élément de l'évolution pédagogique, combien tu vaux ? Tu te notes. Et vous aviez tout l'appareil de l'inspection d'académie et des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui suivaient ça, horrifiés de quoi vous allez demander à un élève de s'évaluer lui-même. Alors il y avait à l'intérieur des gens qui seraient futurs enseignants. Hein. Et écoutez, s'ils ne sont pas capables de s'évaluer eux-mêmes, comment est-ce qu'ils vont être capables d'évaluer les gamins plus tard ? Bon, donc oui, on demande aux élèves de s'évaluer eux-mêmes. Or là, on touche à une des fonctions essentielles de l'universitaire, et là pour le coup depuis les origines, c'est que l'universitaire est celui qui, statutairement parlant et moralement au niveau de la société, est le seul apte à valider la qualité de l'étudiant formé. C'est lui qui dit, lui, il a le niveau licence, lui, il a le niveau maîtrise, et là pour le coup, ça, il ne faut surtout pas le bouger, la personne qui, juridiquement parlant en France, est habilitée à faire passer l'examen est un universitaire, c'est lui qui note. Donc quand on dit qu'on touche à la façon dont l'enseignant note, et dans la classe ou dans l'université, on touche à une des fonctions symboliques les plus essentielles de l'enseignant, et ce n'est pas facile à bouger, parce que c'est justement toute une série de paysages, de façons qu'on a de se représenter le métier, qui est celui d'abord de noter. C'est beaucoup plus violent à l'école qu'à l'université, mais j'y reviendrai juste après. Donc on a assisté, donc je donne deux expériences là, on a assisté vraiment à des régressions pédagogiques du primaire à l'université, et je pense qu'il y a là aussi un second axe de travail. Le troisième élément de régression, et là est beaucoup plus ancien, il date de l'émergence de l'histoire qu'on nous raconte, de l'émergence des sciences modernes. On a enlevé du paysage tout ce qui n'était pas futur académique, de ceux qui innovent, créent et produisent de la connaissance et des savoirs. De toute la logorée, de toute la mythologie qu'on nous vend aujourd'hui sur le panthéon des grands chercheurs, de Galilée à Newton, à Einstein, en passant par Marie Curie, on a enlevé de la photo tous les acteurs sociaux qui ont innové. Tous, sans aucune exception. Quand ce n'est pas une captation pure et simple par des académiciens des innovations des acteurs sociaux. Qu'on fait, alors là, la littérature est gigantesque. Un exemple sur l'émergence de la pisciculture en France, une monographie récente de Guillaume Carnino, un élève de Dominique Pestre, était à ce point de vue édifiante, mais archétypale de toute une série de captations par les académiciens d'innovation des acteurs sociaux, essentiellement au XIXe siècle. Vous avez des académiciens qui planchent et qui plombent et qui plantent selon sur la façon qu'on a de laisser perdurer des œufs de poisson en milieu non naturel et élever des œufs, des œufs qui ont été générés de façon artificielle et de quelle façon ils ont de ne pas se nécroser au bout de 2-3 mois. Les gens qui ont trouvé la solution, après 35 ans de travaux dans toute une série de laboratoires publics, sont un cabaretier et un pêcheur amateur des Vosges. C'est eux, mais après 20 ans de boulot, parce que ça les intéressait, ça les amusait, travailler sur... Bon, je vous passe les éléments techniques, mais c'est vraiment absolument extraordinaire. Et puis, il y a le président de la société de pêche des Vosges qui envoie une communication à l'académie, qui dit, écoutez, c'est absolument génial, venez voir, c'est super. Bon, les mecs, ils doutent un petit peu, comment est-ce que deux blaireaux, qui en plus sont un cabaretier, l'autre pêcheur, vont quand même nous apprendre à nous ce que c'est que la biologie des poissons. Bon. Et ils descendent, ils viennent voir, ben, manque de bol, ça marche vachement bien. Et les 15 ans qui vont suivre vont être une bataille sur ce qui est l'innovation scientifique et ce qui est juste, on va dire, un accident de l'histoire de praticiens. Et ce sont les académiciens, Coste notamment, qui va se faire une fortune avec ça, qui est membre de l'Académie des sciences de l'époque, qui va envoyer les deux acteurs des Vosges hors de la photo, et qui ne vont avoir que quelques milliers de francs de l'époque, et lui ayant le droit à la patente et au brevet. Vous avez des cas comme ça tout au long du XIXe siècle. Mais plus loin que ça, avant l'émergence des sciences modernes, tous les artisans, les pêcheurs, les marchands, les marins, les verriers, les forgerons, je vous passe, mais alors des centaines de corps de métier qui, depuis des millénaires, ont accumulé ce qu'aujourd'hui on appelle le capital primaire scientifique qui a permis de donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la science moderne. Cette histoire-là n'est pas racontée. Or, depuis quelque temps, il y a notamment, je vous confère, un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Histoire populaire des sciences » qui raconte cette histoire-là et qui contrevient à l'idée que c'est du haut du génie d'un scientifique dans son laboratoire que l'innovation naît. Non, c'est toujours coopératif, toujours collectif, ça circule en permanence et l'articulation entre l'académie et le social est permanente, quelles que soient les innovations auxquelles on s'affronte, y compris en mathématiques fondamentales, qui serait a priori la seule discipline où le social n'a absolument rien à dire. Bon, bref. Mais on voit bien que ceci a une incidence sur les financements. C'est quand on dit aujourd'hui financement d'innovation, qui est-ce qui capte le fric? C'est le gros business et c'est le public. Les acteurs sociaux qui ont été enlevés de la photo depuis plusieurs siècles et qui sont des vulgaires pécus qui ne servent à rien, parce qu'historiquement on nous raconte qu'ils ne servent à rien, c'est tout à fait naturel qu'ils ne puissent pas ambitionner de se dire ben, on est peut-être des acteurs de la circulation des savoirs sur un territoire, peut-être que sur la question de la pédologie des sols, les paysans ont quelque chose à dire, et qu'il serait peut-être intéressant dans la circulation du financement de l'innovation qu'on répartisse les fonds financiers de façon équilibrée, parce qu'il y a des statutaires, il y a aujourd'hui beaucoup de chercheurs qui bossent, donc il ne faut pas non plus déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais quand même, ça a une vraie incidence sur les politiques d'innovation. Dans cette façon qu'on a d'enlever les acteurs sociaux de la photo, ça a des incidences sur les mouvements sociaux des chercheurs. J'ai parlé de 2009, mais 2004. En 2004, SLR est né. SLR est sûrement le mouvement le plus corporatiste qu'on ait vécu dans les années 2000, et beaucoup plus corporatiste que tous les syndicats avec lesquels on discute. Tous, sans aucune exception. Avec SLR, en 2004, il y a un seul atelier qui plombe en juin-juillet 2005, sur les 6 qui sont nés, c'est l'atelier Sciences-Société. L'atelier Sciences et Société a fait l'objet d'entripaillage entre Françoise Héritier et Trottmann, mais on est quelques-uns à en avoir suivi une partie des discussions, ça a été violent. Le corps académique est aujourd'hui incapable de penser son rapport à la société. Et l'idée qu'on veut qu'il y aurait une sorte d'élite qui pense pour le reste, et avec une division intellectuelle du travail, où là on pense et là où on agit, on exécute, est une vraie idée majoritairement partagée par l'ensemble des ingénieurs de nos laboratoires. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont voulu, c'est une histoire qu'on s'est racontée et que, grosso modo, cette mythologie-là, on l'a nourrie. Parce que, quelque part, ce n'est pas si stupide que ça quand en première approximation. Donc ce corporatisme têtu se donne à voir dans des mouvements sociaux et l'échec de SLR en 2004 sur des registres différents et l'échec de 2009, en 2009 c'est différent, il y a un vrai appui populaire dans les premiers sondages. Au début de la mobilisation sociale de 2009. Quand vous voyez les sondages qui circulent au tout début, vous avez plus de 83% de la population française qui va dans le sens du mouvement social des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui dit « Votre lutte, elle est vachement intéressante, on l'appuie. » En gros, grosso modo, dans l'opinion publique, il y a un vrai appui. Alors là, c'est majoritaire 83. Au fur et à mesure que le mouvement s'ancre dans la durée, il y a une incompréhension des habitants pour dire « Mais de quoi vous parlez, en fait ? Mastérisation des concours suppression des UFM, la loi LRU, le statut. Non, on s'en fout, ça. Qu'est-ce que vous nous dites sur le rapport entre l'institution, l'université et la société? Et là, il n'y avait rien à dire. Donc je dirais que dans les luttes qui vont advenir aujourd'hui, si les académiciens, les enseignants-chercheurs, les chercheurs ne sont pas capables, non pas de générer un rapport à la société, parce qu'ils seront infoutus de le faire entre eux, mais de créer des espaces où on peut discuter entre acteurs sociaux et chercheurs pour dire, c'est quoi aujourd'hui l'université dont on a besoin dans la société actuelle? C'est quel type d'institution dont on a besoin? Celle-là, à mon avis, elle foire un petit peu. Donc il faut réformer ces institutions, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il advienne? Et ça, c'est une discussion entre acteurs sociaux, entre citoyens mobilisés sur la question, et scientifiques pour dire quel rapport les institutions doivent avoir avec le corps social. Ce travail-là est à construire et ça sera, à mon avis, l'un des piliers stratégiques de nos travaux à venir. Pour finir, le dernier élément qui est un peu un lien avec ce que j'ai dit, le reste je le mettrai en discussion, c'est évidemment une crise d'un certain type de raison avec un grand R. Là, vous le voyez vraiment dans le discours des forums sociaux mondiaux. Quand vous voyez quel type d'académiciens, de chercheurs on a en Bolivie, au Brésil, au Venezuela ou dans d'autres pays qui vivent aujourd'hui de nouvelles révolutions d'émergence d'universités, on n'a pas le même rapport avec eux qu'on en a dans les pays du Nord. Et dans les pays du Nord, quand Mathieu Kalam critique un scientisme têtu très présent dans l'Occident en général, il y a un certain type de monopole de la raison par une certaine catégorie d'acteurs. Il y a l'irrationnel d'un côté, donc c'est la société qui ne sait pas quoi faire avec les innovations, qui a priori très très peur de tout ce qui arrive. Donc forcément, il faut contenir cet irrationalisme potentiel par un travail d'alphabétisation, de propagande, de promotion, de pédagogie. Et on dit que si vous n'avez pas bien compris la nanotechnologie et que vous les refusez, c'est parce que vous voulez retourner à l'époque de la bougie, un type d'argumentaire qui est encore produit aujourd'hui dans les médias. C'est le même type de projet et de discours qu'on a vendu sur le TCE en 2005. Si vous avez mal voté au TCE, c'est que vous l'avez bien compris. Hein. Si vous avez mal voté, si vous avez voté non au traité constitutionnel européen en 2005, c'est qu'on n'a pas assez fait de pédagogie dessus. Vous l'avez mal compris. Si vous l'avez bien compris, vous auriez évidemment voté oui. Si vous votez non les biotechnologies, la biologie de synthèse, l'aube augmentée ou les nanotechnologies, c'est que vous ne comprenez pas bien ce que c'est. Donc on va faire de la pédagogie. Donc cette armada-là, dans laquelle toutes les acteurs sont mobilisés pour dire vous dites oui ou sinon vous prenez une baffe dans la gueule, il faut dire oui. Ça, c'est vraiment le dispositif de propagande dans lequel on est. Et aujourd'hui, dans les nanos par exemple, ce que tu disais sur CIPAST démontre que l'armada d'initiatives de participation qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années ne sert absolument pas une évolution de la gouvernance, des choix et des orientations de la recherche et de quel type de technologie et de quel type d'innovation nos sociétés ont besoin. Et je pense que là, pour le coup, il va falloir passer une étape un tout petit peu supérieure avec une conscientisation, je parle de mon point de vue, d'abord une conscientisation des ONG et des acteurs de la société civile pour dire, nous, qu'avons-nous à dire aux chercheurs et à l'espace académique de quel type de science, de recherche, de statut, d'autonomie de la pensée, d'éthique de chercheurs avons-nous besoin et requérons de votre part. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où une série d'acteurs sociaux vont se mobiliser collectivement pour adresser aux politiques et aux chercheurs un type de dialogue un peu plus construit que celui qui consiste à chaque ONG va rencontrer ses chercheurs de son côté, parce que là, pour le coup, on perd absolument tous. Je vous remercie.